Mosaïque. Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro, selon le lieu à partir d'où vous nous écoutez. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Et ce sera pour parler de la place d'une radio privée dans la consolidation des valeurs démocratiques, cas de la radio Isanganiro qui fête ses 15 ans. En effet, la radio Isanganiro, ou point de rencontre, a commencé ses émissions le 18 novembre 2002, forte de sa devise Inamisumbingimba, ce qui veut dire le dialogue vaut mieux que la force. La radio Isanganiro s'est lancée vite à la conquête d'un public qui était inondé par des informations et d'autres contenus médiatiques qui ne provenaient que de la radio-télévision nationale, la radio Ndiragakura et ceux de quelques radios privées dont la radio Bonesha FM et la RPA. Le contexte de conflit dans lequel le So Medium a commencé ses activités a valu aux journalistes des interpellations et même la fermeture de la radio. Cependant, cette radio est reconnue s'être distinguée professionnellement en tendant le micro aux indésirables du pouvoir d'alors, dans le souci de fournir à ses auditeurs des informations équilibrées. Elle s'est distinguée aussi dans le traitement des informations en rapport avec le dialogue et l'accompagnement du processus de paix, de réconciliation et de démocratisation du pays. Ici, il y a lieu de se poser un tas de questions. Est-ce que 15 ans après sa création, la radio Isanganiro garde toujours sa vocation? Quels sont les chefs-d'œuvre de la radio dont on se rappelle dans la promotion des valeurs démocratiques? Est-ce que la crise de 2015 qui l'a touché de plein fouet ne l'a pas profondément affecté? Y a-t-il des lacunes de la radio qui pourraient être comblées pour continuer à défendre les valeurs démocratiques sur l'élan de 2002? Est-il possible pour elle de faire mieux malgré l'environnement socio-politique du moment? Quelle est la place des partenaires des radios privées pour que ces dernières soient de véritables instruments de protection et de promotion des valeurs démocratiques? C'est autour de toutes ces questions que nous allons débattre avec nos invités qui sont Nestor Nkurunziza, un des fondateurs de la radio Isanganiro. Bonjour. Bonjour Joseph. Bienvenue dans ce débat. Merci. Nous sommes aussi avec Jérôme Ndikouliyo. Il est directeur général de la communication au ministère de l'Information. Bonjour. Bonjour, je vous souhaite d'abord joyeux anniversaire. Merci, bienvenue. L'autre invité, c'est l'honorable Tatien Sibomana, un politicien de la coalition Amis Roya Barundi. Bonjour. Bonjour et je salue tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue. Merci beaucoup. Autour de la table, nous sommes aussi avec Metusela Nikoba Amiedi, pasteur Habimana. Il est porte-parole du parti FNL, à qui nous disons également bonjour. Bonjour et bon anniversaire. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti, Jérôme Nyonzima est à la réalisation et au micro, vous retrouvez Joseph Sabiabandi. Bienvenue. Mosaïque. Pour entrer dans le vif du sujet, la première question, je l'adresse à Nestor Nkurunziza. Qu'est-ce qui a poussé l'association Ijambo à créer la radio Isanganiro? Ben, je pense que d'abord, le studio Ijambo lui-même, à l'époque, a créé l'association Ijambo. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que la plupart des radios au Burundi, en fait, ne sont pas nées en réalité de leur propre initiative d'une certaine manière. Si vous regardez bien, c'est les premiers médias, il y avait la RTNB, n'est-ce pas, où j'avais travaillé moi-même, n'est-ce pas, pendant 7 ans depuis 93. Et j'étais même chef des programmes et j'écoutais les émissions donc de Studio Ijambo, je devais les censurer, entre guillemets, n'est-ce pas. J'insiste parce que ces émissions, c'était un moment où on négociait à Arusha. Et donc, après, je suis passé en 2000 au studio Ijambo, et c'est là où je me retrouve donc de l'autre côté, au niveau de la production. Et le problème, c'est quoi? C'est que donc, vous vous rendez compte que l'Union européenne avait quelque part financé, n'est-ce pas, la naissance de Bonesha, qui fut la première radio, n'est-ce pas, indépendante, si on peut à part la CCIB, bien sûr. Donc, en 95, parce que simplement, il y avait des problèmes humanitaires et graves au Burundi. Et donc, c'était ça le sens de Bonesha. Et on a eu donc la même année, les Américains, cette fois-ci, d'une certaine manière, à travailler USAID, USAID qui a donc amené le studio Ijambo, parce que simplement, une année avant, il y a eu l'hécatombe au Rwanda. Donc, il y avait le génocide rwandais qui avait fait peur aux gens et on pensait qu'il pouvait y avoir une sorte de contamination au Burundi, que l'on pourrait donc observer la même chose ici. Alors donc, vous vous rendez compte, l'Union européenne, les États auditeurs, d'une certaine manière, se mettent au chevet. Et on a donc le studio Jambo et la radio Bonécha. Mmh. Et c'est là que l'on commence à avoir donc une radio, des radios qui fonctionnent autrement que la RTNB, où l'on commence à tendre le micro à l'autre. Alors qu'au niveau de la RTNB, vous vous en souvenez, c'était toujours de l'information verticale. On n'entendait pratiquement que les autorités sur la radio. Quand on entendait les petits gens, c'était dans les petites émissions pour parler, n'est-ce pas, de l'agriculture, blablabla. Donc voilà, comme ça, donc, on se retrouve en 2000 avec l'accord d'Arusha, mais les émissions du studio Jambo sont censurées par la RTNB et on se dit pourquoi continuer à donner des choses qui sont censurées lorsqu'on peut faire quelque chose de nous-mêmes. Est-ce que c'est la censure seulement qui vous ont poussé à créer la radio Isanganiro? Parce qu'à l'époque déjà, il y avait Bonécha FM, mais également il y avait la RPA qui avait été créée en 2001. Ben, remarquez d'abord que la RPA avait été fondée par un ex-membre du studio Jambo, Alexis Indouige, qui a créé la RPA. Ce qu'il avait amené, c'est en fait aussi qu'il avait vu des choses à studio Jambo. Et donc, il était parti aux États-Unis, il est revenu, il a créé sa radio. Et avec sa ligne éditoriale, donner la voix aux sans-voix. C'était donc une partie du studio Jambo. Mais au niveau donc de notre radio, on voulait surtout voir le conflit tel qu'il est, non pas en termes d'antagonisme entre Hutu, Tutsi, par exemple, mais plutôt amener les gens à se parler. C'était donc là où on était en train de faire la guerre à l'époque, vous vous souvenez, il y a quelqu'un avec nous autour de cette table, n'est-ce pas, qui était encore en train de se battre. Donc, on se disait, il y a des gens qui sont en train de se battre, même si on vient d'obtenir l'accord d'Arusha. Rien ne dit, n'est-ce pas, que l'on aura la paix. Rien ne dit, n'est-ce pas, que l'on pourra appliquer cet accord dans un contexte violent. Donc, il y avait le risque donc, que ça capote. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, si on crée une radio, on pourra avoir notre propre ligne éditoriale. Amener ces émissions à quelqu'un, à RPA, RTNB ou ailleurs, ce sera toujours la même chose. Tu ne pourras jamais avoir autant d'impact que si tu as toi-même, n'est-ce pas, ta propre ligne éditoriale avec les émissions, les journaux et tout ce qu'il y a donc autour. Mmh. La création de la radio Isanganiro était en quelque sorte pour tendre le micro aux oubliés des radios publiques. Est-ce que mais tu sais là, Nicolas Amier, à l'époque, vous étiez dans la rébellion. Est-ce que la création de la radio Isanganiro a créé une valeur ajoutée par rapport aux médias qui existaient à l'époque? Vraiment, lorsque nous étions encore dans la forêt, en train d'essayer de ramener la paix, retrouver aujourd'hui les radios privées Isanganiro, par exemple, vous travaillez vraiment très bien. Très bien, je dis très bien. Pourquoi? Parce que vous entendiez le micro, vous s'exprimez. Et donc, la population, qui est le seul juge, jugeait que nous avions tort ou raison. Et donc, à ce moment-là, j'ose vous le dire, vous travaillez bien. Mais après que nous sommes rentrés au village, au Burundi, au gouvernement, etc., vous avez changé votre façon de travailler. Je vous juge. Comment? Et je vous condamne que là, 2015, on a connu ce qu'on a connu avec des radios privées. Vous avez essayé de tourner le dos contre nous au lieu de nous. Quand vous dites contre nous, ça signifie le parti FNL. Je parle du parti FNL d'Atan et le parti FNL aujourd'hui. Et donc, c'est grâce à Dieu que vous nous ayez invités ici. C'est pas toujours le cas. Vous aimez toujours inviter ce qui pactise, je regrette, avec le mensonge, parce que la vérité est connue. Merci. Sur les lacunes de la radio Isanganiro, nous allons y revenir. Honorable Tassien Sibomana, est-ce que la création de la radio Isanganiro en 2002, c'était vraiment une valeur ajoutée dans le paysage médiatique burundais? Merci. Je pense que je peux le dire de façon affirmative que la création de la radio Isanganiro fut un apport substantiel dans le monde médiatique burundais. D'abord parce que c'est une radio de plus, ce qui suppose que le droit à l'information devenait de plus en plus une réalité pour les citoyens burundais. Mais au-delà de ça, je me fonde beaucoup plus aux objectifs ayant milité justement à sa création. Nestor, qui est parmi les pionniers de cette radio, nous a dit qu'il y avait un problème de censure. Il faut le dire, surtout en Afrique, les gouvernements peuvent différer quant à leur façon de gouverner, quant à leur vision de la politique ou de la vie socio-économique du pays, mais quelque part, il y a des ressemblances. Je sais qu'à ce niveau du droit de l'information, d'autoriser toutes les informations, même celles qui critiquent ce qui n'est pas bien fait par le pouvoir en place, l'autoriser que cela passe sur les médias publics, ce n'est pas donné à tous les pouvoirs. Alors, comme il l'a dit, surtout qu'ils avaient un objectif très louable de parler des valeurs démocratiques, de la réconciliation, qu'il se trouve être censuré à la radio-télévision nationale, ça devenait anormal. Donc, c'était tout à fait louable de penser à créer une radio. Deux, il a parlé de la conjoncture dans laquelle la radio est née. Effectivement, après la crise de 93, qui avait causé justement des préjudices pendant des années, il était justement compliqué que les uns et les autres puissent exprimer leur vision des choses. Donc, il était normal qu'il puisse y avoir des radios qui fassent parler tout ce monde-là, pour que ceux qui peuvent aider le Burundi à encore une fois, garder ce maillot, ce tissu social, pour qu'il ne soit pas complètement déchiré, il fallait qu'il trouve des arguments. Or, les arguments proviennent justement des expressions des uns des autres. Donc, je pense qu'en définitive, c'était un acte louable que de créer la radio Isanganiro. Un acte louable de créer la radio Isanganiro. Monsieur Jérôme Ndikuriyo, directeur général de la communication au sein du ministère de l'Information. Est-ce que, au sein de votre ministère, vous le voyez de cet œil? Je dois d'abord rappeler que la création d'une radio au niveau du gouvernement, c'est une valeur ajoutée. Parce qu'on l'a dit, il y a les lignes éditoriales. Et cela, chaque radio a sa ligne éditoriale. 10 radios égale 10 lignes éditoriales. Donc, c'est la diversité des idées. Est-ce qu'au ministère de l'Information, vous reconnaissez qu'il y a des radios privées qui ont beaucoup contribué, qui se sont investies pour défendre les valeurs démocratiques, mais aussi qui ont milité à leur promotion? Bon, on les reconnaît, mais on les reconnaît parce qu'ils sont régis par la loi de la presse, ils sont reconnus par le CNC. Tant qu'ils fonctionnent, c'est que le gouvernement reconnaît leur valeur ajoutée. Sans leur valeur ajoutée, vous saurez aussi avec moi que ces médias, on ne devrait plus être fonctionnels. Comme nous parlons déjà de la radio Isanganiro, est-ce que vous aurez en tête un chef-d'œuvre de la radio Isanganiro qui va dans le sens de la promotion des valeurs démocratiques? Bon, du moins, d'une manière générale, la radio Isanganiro fonctionne dans la légalité. Vous saurez aussi qu'il a été reconnu même à la radio Isanganiro de sa manière de fonctionner. C'est en 2012 qu'on s'est rassemblé avec les responsables des médias pour discuter par rapport au fond des deux médias, qu'on a décerné quelques équipements, des ordinateurs à certaines radios, non pas jugées par le ministère ou par le gouvernement, mais par les responsables eux-mêmes des médias. Par rapport à la quantité qui existait, ce sont eux qui ont dit ces équipements dont nous disposons, on va donner à telle radio, telle radio, telle radio, et la radio Isanganiro était de même. Donc, la radio Isanganiro n'a pas été jugée par seulement le ministère ou par les organes de régulation ou d'autorégulation, mais elle a été reconnue par ses pairs comme étant une radio qui fonctionne normalement. Une radio qui fonctionne normalement. Monsieur Nestor Nkurunziza, est-ce que au fil des ans, est-ce que la mission que l'association Ijambo avait assignée à la radio Isanganiro, est-ce qu'on peut dire que la radio Isanganiro les a réalisées? Je pense que quelque part, la radio a joué un rôle assez important. Au même titre d'ailleurs que la radio RP à l'époque, n'est-ce pas, les années 2002, 2003, 2004, pour la simple raison qu'on s'était fixé comme objectif notamment de chercher ceux qui ne se parlaient pas d'une certaine manière. On avait commencé en 2003, n'est-ce pas, et je me rends compte que c'est presque la même période où l'on va voir la signature de l'accord de cessez-le-feu. En 2003 aussi, n'est-ce pas? Et donc, c'était un nouveau palier dans l'accompagnement de l'accord d'Arusha qui avait été signé le 28 août 2000. Donc, à ce titre-là, il faut dire, n'est-ce pas, que d'abord, n'est-ce pas, on avait accordé la parole à ceux qui étaient encore en brousse, ou qui étaient même à Bonn, n'est-ce pas? Mais donc, ceux qui étaient contre le pouvoir à cette époque-là. Mais tout cela, Nico Yangizé, y compris. Ah oui, oui, oui. Nico va bien. Surtout celui-là. Non, surtout celui-là parce que. parce que je me souviens bien que je lui avais tendu le micro dans une émission pendant qu'il était en brousse, dans une émission Mosaïque même, n'est-ce pas? Et juste après l'émission, le gouvernement avait dit on ferme la radio. Ça avait créé un petit boucan pendant une semaine, mais c'est pour dire qu'à cette époque, époque-là, j'ai l'impression que c'est rare, n'est-ce pas, comme disait l'honorable Tassian, que l'on comprenne finalement le bien fondé d'un dialogue, un débat ouvert pour tout le monde. Donc, à ce niveau-là, donc, je pense que le débat a eu lieu et a permis donc qu'on fasse rapprocher les points de vue des uns des autres. Je pense notamment que ceux qui étaient en brousse étaient considérés comme des gens qui avaient des cornes un peu comme Lucifer, n'est-ce pas, si je peux dire. Et donc, à force de parler au micro, qu'on les entendait les samedis, les dimanches, je pense que petit à petit, ils ont un capital de sympathie. Ce qui a permis, n'est-ce pas, que les gens ne se sentent pas vraiment trop frustrés, apeurés lorsqu'ils ont vu les gens revenir. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on a vu quand même la radio petit à petit perdre de ses éléments. Donc, tous ceux qui étaient là probablement au début n'étaient plus là. Ceux qui connaissaient la ligne éditoriale, ils partaient un à un pour d'autres horizons. À l'époque, vous vous souvenez, il y a aussi le bureau des Nations Unies qui était venu ici, qui a pris en un coup, quatre personnes qui étaient là. On n'était pas une grosse équipe. Et donc, du coup, la radio s'est affaiblie. Moi-même, je suis parti. Et d'autres sont partis après. Au point qu'aujourd'hui, à part une technicienne, je pense, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui était là au début de la radio. Donc, petit à petit, donc, on s'est rendu compte que la ligne éditoriale là, s'était filochée en quelque sorte. Donc, lorsque la ligne éditoriale s'était filochée, c'est l'impression que j'ai eue quand je suis revenu du Congo fin 2011. Je sentais que la radio commençait à imiter certaines lignes éditoriales, mais qui n'étaient pas la sienne. Je suis content qu'aujourd'hui, je sens que la radio est en train de revenir sur Inama Isumbingimba. J'adresse la parole à Metusela Nicolas Amier. Comment êtes-vous senti quand on a fermé la radio en 2004, après vous être tendu le micro? Mais c'était normal. C'était normal qu'on ferme une radio? Bien sûr, c'était normal. Pourquoi? Parce que bon, l'homme est jugé sur ses actes. Si on était condamné à merci, nous ne serons pas aujourd'hui ici en train de prendre, de parler la vérité que nous avons toujours mis devant la nation burundaise. Donc, c'était normal, il fallait bien sûr passer par cette voie, il fallait lutter, il fallait, je viens de le dire, il fallait que les gens se mettent au travail pour devoir convaincre que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas digne d'être fait. Et c'est pourquoi la paix est revenue. Et à ceux qui veulent jouir de la paix, doit encore une fois penser à l'histoire, parce que j'ai toujours aimé parler de l'histoire. L'histoire nous apprend, le présent nous juge et l'avenir, on avance. Voilà, donc, c'était normal qu'il fasse cela, mais il fallait résister. Qui pouvait résister? C'était la radio. C'était nous de résister. La radio est fermée, mais de toute façon, la radio a été réouverte. La radio aussi devait aussi résister parce que, puis après, on a quand même continué à passer par les mêmes radios pour faire lumière à qui veut nous écouter et qu'après, cette vérité est aujourd'hui une réalité. Honorable Tassian Sibomana, analyse faites-vous des réalisations de la radio Isanganiro au cours des ans? Je trouve que, bien sûr, les objectifs, comme vous le savez, c'est toujours dans le temps. La radio est créée pour durer longtemps. Ce qui signifie que même ces objectifs ne sont pas limités dans le temps, en termes de leur réalisation. Alors, il y a des objectifs qui ont été atteints et d'autres qui vont l'être au fur et à mesure que la radio va durer dans le temps. Je veux vous citer des émissions pour moi qui ont révolutionné le monde médiatique, et qui ont retissé le tissu social qui se déchirait au fur et à mesure. Il y a des émissions qu'on appelle Ingingiyouno, on essayait de mettre en exergue les gens qui ont caché les autres. C'était une émission du studio Jean-Baptiste. Qui continue à être diffusée sur la radio Isanganiro. C'était vraiment une émission d'une importance capitale où on faisait comprendre aux Burundais que même dans les régions qui ont été touchées par la crise de 93, aussi bien dans les différentes composantes ethniques, il y en a qui ont osé cacher les voisins au détriment, au risque de leur vie. Ça, c'était vraiment une émission qui valait la peine et qui continue à l'être. L'émission Karadiridimba, par exemple, vous avez des Burundais éparpillés à travers le monde. Alors, quand vous leur tendez le micro et qu'ils s'expriment sur des questions qui intéressent la vie nationale et qui saluent leurs concitoyens restés au Burundi. Vous ne savez pas combien c'est émouvant. Moi, je me rappelle quand je descends de l'intérieur à 15 heures, j'étais toujours vraiment très impressionné par cette émission. Et sans parler des émissions comme celle-ci, la radio Kuna, les émissions Mosaïque et Kuna Ama, les émissions Inouriri, où on faisait rencontrer justement les gens de toutes tendances pour discuter sur une question d'intérêt national. Et pour des gens qui ont la bonne foi, qui veulent réellement construire, ils peuvent tirer beaucoup d'idées dans ce genre d'émissions. Il ne faut pas voir dans ces émissions une façon de critiquer le pouvoir. C'est ça qui fait la démocratie. En définitive, les valeurs dont on parle, ce sont celles-là. Il faut pouvoir tirer les bons exemples de l'autre et pourquoi pas ne pas en faire les vôtres pour que vous puissiez les traduire en action. Mm-hmm. Si c'est une idée de Tassien et que le pouvoir appartient au sein de ce qui est le cas aujourd'hui. Mm-hmm. Je peux donner une idée qui peut intéresser les hommes au pouvoir. Il ne faut pas toujours voir que dans l'autre un mauvais exemple. Il peut vous donner des idées que vous pouvez exploiter pour l'intérêt de la nation. Comme on dit, même du, si choc, du choc des idées. Du choc des idées, des idées d'ailleurs. Donc, sans trop languir, je pense que, comme je l'ai dit, la radio est vouée à durer dans le temps. Il y a des objectifs qui sont atteints progressivement et d'autres, bien sûr, qui vont l'être. Mmh. Et surtout que les conjonctures même de travail, les conditions de travail changent. Mmh. Et on ajouterait un peu, n'est-ce pas, après ce que Tassien dit, la radio Sanganiro a quand même exploré d'autres formats d'émission, par exemple, et qui ont été par la suite été imités par d'autres. Je partirais des émissions comme quoi encore. Il y avait notamment cette émission d'Inning qui a été reprise par d'autres, mais qui était du studio Jambo. Mais je parlerai également des émissions délocalisées, par exemple, mais surtout des duplex. À l'époque, il n'y en avait pas. Et on avait commencé donc à se dire pourquoi garder les choses à Bujumbura lorsqu'on peut, n'est-ce pas, faire une émission à partir du studio avec d'autres personnes de la société civile et des politiciens, par exemple, Novotel. Et on a donc des gens à l'intérieur qui appellent. Donc, ça préfigurait déjà les synergies aussi pour d'une certaine manière. Mais c'était surtout une sorte d'implication directe de l'auditeur dans le débat, parce qu'on n'avait pas encore ça, cette délocalisation, puisqu'on parle de démocratie. Comment est-ce que les radios ont contribué donc à la démocratie? Je pense que c'est un principe de gouvernance qui est la participation. En faisant participer davantage le citoyen dans le débat, je pense qu'on a pu quand même à cette époque-là, et ça continue donc jusqu'à aujourd'hui, donc, à introduire, comment dire encore, à appuyer la démocratisation dans le pays. Ça, c'est un exemple. Oui, c'est un autre exemple pour terminer. La notion de redevabilité, c'est une notion extrêmement intéressante et importante pour asseoir la démocratie dans un pays. Or, en Afrique, ici comme ailleurs, ce n'est pas évident que nos dirigeants aient réellement intégré cette notion de redevabilité envers le peuple. Alors, à travers les différentes émissions, à travers ces radios, le peuple était parvenu à finalement s'intéresser des affaires de leur pays. Indirectement, ils demandaient des comptes à leurs dirigeants. Donc, pour vous dire qu'en définitive, c'est une bonne chose. Ça avait révolutionné, comme je le disais tantôt. L'éducation de la population en dépend sérieusement. Parce qu'à travers ces émissions, à travers ce micro qui leur est tendu, les gens, finalement, hormis leur niveau d'instruction, ils s'adaptent à un débat avec les autres. Ils s'adaptent à des échanges, ce qui met finalement la population à un certain niveau de civilisation. Cette façon de fonctionner, comment était jugée par les pouvoirs publics? Bon, il faut se le dire, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu, n'est-ce pas, quelque part en Afrique où on donne, peut-être, n'est-ce pas, dans des pays comme Maurice, l'île Maurice, au Sénégal. Mais sinon, c'est rare. Partout où je suis passé, j'ai toujours eu l'impression que les pouvoirs publics ont toujours tendance à museler la presse. Donc c'est une constante malheureusement, et même à l'époque c'était pas facile, comme je le disais. On confirmait une radio parce qu'on tend un micro à quelqu'un qui est en train, parce qu'il est en train de se battre contre le gouvernement. Je trouvais ça un peu bizarre à l'époque, mais bon. Mais même lorsqu'il s'agissait surtout, comme vous parlez de redevabilité, vous amenez des dossiers économiques, financiers, qui sont cachés, où il y a des malversations par exemple. Vous faisiez passer ça, je vous assure, c'était pas très très bien vu. C'était pas très bien vu. J'espère que les choses ont évolué aujourd'hui et que lorsque aujourd'hui vous faites passer des choses cachées sur les finances, j'espère qu'on reçoit cela de façon beaucoup plus sportive. Bon, donc ce n'est peut-être pas facile non plus à l'époque, mais ça m'étonnerait que ça soit plus facile aujourd'hui. Mm-hmm. C'est jamais facile. Jérôme Ndikouli, au niveau du ministère de l'Information, comment appréciez-vous la liberté de ton qui est véhiculée au sein des médias? Au niveau de la gestion des médias, il y a l'organe de régulation. Un organe de régulation qui gère les médias privés tant que médias publics. Mais aussi, dans l'OTA aussi, il y avait aussi un organe d'autorégulation. Et si vous observez les rapports qui sont donnés par l'organe de régulation et l'organe d'autorégulation, mais aussi l'organe comme l'OMAC, qui donne des observations au niveau des médias publics et des médias privés, vous trouverez peut-être un écart au niveau de l'encadrement. Il y a bien Nestor qui l'a bien dit. Il a dit qu'au fur du temps, que les journalistes qui faisaient partie de l'association Ijambo, au fur du temps qu'ils partaient, c'est à ce moment-là que la radio Isanganiro, ses émissions commençaient à perdre leur subsistance. Donc, juger une radio privée parce qu'il est privé, ça serait peut-être injuste. Mais on juge la radio par la substance, par le contenu. Par le contenu. Alors, au niveau du contenu, il y a deux choses. Il y a l'encadrement d'abord. Il y a aussi la rigueur au niveau du traitement, au niveau de la recherche de l'information, mais aussi au niveau de la transmission de l'information. Est-ce que l'information que je diffuse, est-ce que l'information est utile? Est-ce que l'information est vérifiée? Est-ce que l'information est réaliste? C'est à ce moment-là qu'on pourra éventuellement juger donc une radio remplit sa mission ou une radio ne remplit pas ses missions. Mmh. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'Information, il y a des actions négatives qui auraient été commises par les radios privées en général, dont la radio Isanganiro en particulier? Au ministère, on ne peut pas juger seulement au ministère. Ce n'est pas seulement les gens du ministère qui écoutent les radios, mais je peux vous donner un exemple. On l'a cité ici en 2015. Il y a les médias qui ont accompagné, la tentative de coup d'État. Est-ce que l'information était vérifiée? Est-ce que l'information était utile? À ce moment-là, je pense que vous allez juger la radio comme moi. Vous saurez, en 93, il y a les médias qu'on disait les médias de Rennes. Il y a le Carrefour qu'on disait le Carrefour des idées. Il y a le journal Inhumra. Donc tout ça, c'est un exemple qui montre qu'il peut y avoir un écart. Et à ce moment-là, les organes de régulation prennent leurs responsabilités. Il est vrai, on se situe entre 2002, la date de la création de la radio Isanganiro, jusqu'à aujourd'hui, 15 ans après. Est-ce que quand vous évoquez le coup d'État, est-ce que le coup d'État, ce n'est pas un fait qui peut intéresser les médias? Le coup d'État, c'est un fait. C'est un fait qui intéresse les médias. C'est un fait qui intéresse la population. Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous diffusez l'information, ça ne se limite pas par la diffusion? Il faut aussi penser, est-ce que l'information que je donne, c'est utile? Vous avez vu ce qui a suivi après l'information. Est-ce que, à vous, est-ce que vous jugez que c'était utile pour donner son message? Donc, avoir les actions qui ont suivi. Nestor Nkurunziza, la parole d'un professionnel. Les médias, en diffusant le coup d'État du 13 mai 2015, ils ont commis une faute professionnelle. C'est une question très controversée. Mmh. Où vous n'aurez, selon, n'est-ce pas, là, ce que vous direz, vous serez soit crucifié par cela ou, n'est-ce pas, applaudi par d'autres. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question que je n'aime pas trop. Seulement, ce que je pourrais dire, c'est à chacun de se juger. De voir, n'est-ce pas, moi, j'ai toujours donné trois zones, n'est-ce pas, pour pouvoir juger une information. La première, c'est qu'elle est vraie. Et donc, si l'information est vérifiée, qu'on a des sources, mais des sources, n'est-ce pas, qu'on ait des sources, et des sources diversifiées, bien sûr, et qu'on ait des précisions, là, je me dis, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, n'est-ce pas, le deuxième fil, c'est l'impartialité. Est-ce qu'on a été impartial dans la gestion de cette information? Est-ce qu'on a cherché les autres, par exemple? Je pose des questions simplement. J'ai entendu un truc qu'on a déposé quelque part. Et est-ce que l'information était déjà vraie? Je ne sais pas. On n'a pas investigué, on a juste déposé quelque chose. C'est là où je me dis, c'est à vous de voir comme journaliste. Troisièmement, maintenant, la responsabilité du journaliste, c'est ça le troisième volet. Et est-ce qu'on a été responsable ou on n'a pas été responsable? C'est à nous de voir. Mais je partirai dans le cas qu'on avait eu, n'est-ce pas, lorsqu'un monsieur qui s'appelait Gaston avait voulu faire un coup d'État. Je travaillais encore au studio Jambo et il était à la RTNB et le gouvernement est passé par Bonécha pour contrer ça, n'est-ce pas? Bonécha n'a pas diffusé Gaston. Il a diffusé, n'est-ce pas, plutôt le mot du gouvernement. Et c'est là où je dis, donc, c'est deux attitudes tout à fait opposées. Je ne sais pas qui est la bonne. C'est au journal de choisir et de voir ceux qui étaient responsables. Mais je n'ai pas donné de jugement là-dessus. À chacun qui écoute cette émission de juger. Puisqu'on parle de la crise de 2015, est-ce que cette crise qui a touché de plein fouet la radio Isanganiro et d'autres médias privés, cela n'aurait pas affecté les médias privés, y compris la radio Isanganiro? Bien sûr que ça les a affectés. Et jusqu'aujourd'hui, ça les a affectés de plusieurs manières. D'abord en termes de journalistes. Je pense qu'Isanganiro a perdu le gros de ses journalistes expérimentés, qui ne sont plus là aujourd'hui. N'est-ce pas? Je pense que vous êtes obligé de recourir à des recrutements ou à des stagiaires pour pouvoir donner de l'information parce que c'est aussi donc un problème. Deuxième aspect, c'est l'aspect financier. Il est évident que nous sommes dans un contexte économique très difficile et que donc l'assiette économique que nous avons aujourd'hui ne permet pas, mais alors pas du tout, n'est-ce pas, de faire survivre les radios. Donc ça tape, Isanganiro, ça tape aussi sur d'autres. Et le troisième aspect que je vois, c'est la crise a fait que les gens sont quelque part polarisés. On sent, il y a eu des journalistes qui pensent qu'ils doivent se battre contre celui-là ou défendre celui-ci. Ça se sent aussi bien sur les radios que dans les réseaux sociaux. Et la question que je pose aujourd'hui, est-ce que le journaliste devrait être un journaliste militant d'une manière ou d'une autre, quel qu'il soit son bord, ou bien le journaliste devrait être là pour la vérité? Là, c'est la question. Mais j'ai l'impression à écouter, n'est-ce pas, les différents médias, ce n'est pas Isanganiro, n'est-ce pas, non, je parle donc des différents médias burundais et privés essentiellement, que ce soit en ligne ou en ondes, en FM, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est oblitéré, où l'on a l'impression qu'on a une cause à défendre. Et moi, j'ai toujours dit, le journaliste, sa cause, c'est quoi? C'est essentiellement la vérité et l'intérêt du commun, des citoyens. Mosaïque. Pour ceux qui nous auraient capté en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la place d'une radio privée dans la consolidation des valeurs démocratiques en ce moment où la radio Isanganiro fête ses 15 ans d'existence. Les invités sont Nestor Nkurunziza, un des fondateurs de la radio Isanganiro, Jérôme Ndikuriyo, directeur général de la communication au ministère de l'Information, honorable Tassien Sibomana, qui est politicien de la coalition Amizero Barundi, et Metusela Nikobamye, qui est porte-parole du parti FNL. Monsieur Jérôme Ndikuriyo, est-ce qu'aujourd'hui il y a des lacunes qui sont visibles que la radio pourrait combler, la radio Isanganiro, voire même les médias privés en général, au niveau de la défense et de la promotion des valeurs démocratiques? Bon, au niveau de la consolidation de la paix, mais aussi des valeurs démocratiques, les médias ont un grand rôle, un très grand rôle à jouer. On a parlé de la redevabilité, ça se passe par les médias. On a parlé des dialogues, ça se passe par les médias. Et les médias sont là pour relayer les messages qui sont donnés par les pouvoirs publics et, je dirais, les personnalités publiques, mais aussi privées. Donc, c'est un canal pour arroser et le territoire national, mais également l'international. Si on revient alors sur les lacunes qu'il faut combler, je vous ai parlé des études au niveau de l'auditorat. Si vous vous référez à ces études qui ont été, je dirais, produites en 2002, en 2013, mais aussi en 2014, vous trouverez que le gros de l'information, Si je donne les chiffres, je ne fais que citer 95% des informations qui passent dans les médias, c'est à Bujumbura. Et 95%, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qui fait vivre la population, qui fait vivre le pays, se trouve dans le monde rural. Donc, le monde rural est oublié. Mais là, il faudra, là, n'est-ce pas, je pense, monsieur le directeur moyens. Général, quand même, qu'il y a une nuance à faire. Oui. Parce qu'on juge seulement le journal. Or, les émissions, quand vous écoutez les émissions, notamment les émissions du Sanganiro, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde rural. Donc là je parle, donc c'est quand vous nuancez, d'accord, mais je parle des études qui ont été faites par vos confrères. Mais sur les journaux. C'est sur les journaux. On ne fait pas du monitoring des émissions. Pas sur le contenu médiatique. Non, sur le journal, c'est sur le contenu également. Oui, c'est sur le contenu. Donc, la première chose... aussi oublier la question des moyens de ces médias. Là, on va y revenir. Ouais. Ça fait... la question là, on en discute et ça faisait, je crois, au mois de septembre. On a discuté avec les responsables des médias, mais également aussi, j'en profite, on envisage au fin novembre avec les responsables des médias pour parler de ces questions en rapport avec la logistique. Donc, si je reviens sur les lacunes, tendez le micro à la population. Tendez le micro à la population laborieuse, qui travaille, qui donne des exemples, qui sont de gros éleveurs, qui peut transmettre ces bons exemples, ces bonnes pratiques à ses amis. Tendez le micro à cette population qui se donne et qui ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, mais d'être aussi soutenus. Je parlais aussi au niveau des lacunes, c'est au niveau de la formation. Là, on ne peut pas ignorer. Notre ami vient de dire que 3 journalistes partent, 4 journalistes partent. Est-ce qu'ils partent? Pourquoi? C'est au niveau des moyens aussi. La plupart partent pour faire le métier de communication. C'est toujours lié aux moyens. C'est toujours lié aux moyens. Parce qu'il y vient, je dis, c'est lié aux moyens. Mais vous les formez, après les avoir formés, ils y quittent, ils vont ailleurs. Est-ce que les pouvoirs publics n'y seraient pas pour quelque chose, étant donné qu'il y a la loi qui dit que les médias devraient avoir des appuis financiers, mais depuis quelques années, les pouvoirs publics ne donnent absolument rien comme appui. Il faut distinguer les choses. Il y a le fonds d'aide aux médias. On parle du fonds d'aide aux médias. Ce n'est pas pour financer les médias. Et ce fonds d'aide aux médias, ça sous-entend deux formes. Il y a les aides directes. Là, il y a l'alimentation de ce fonds par le gouvernement, mais également aussi par d'autres partenaires. Il y a aussi l'aide indirecte, qui est vraiment substantielle. Quand même, c'est une question qu'on a débattue et la plupart des responsables des médias l'entendaient par oreille, mais ne savaient pas pourquoi. Et il y a des témoignages des responsables des médias qui en profitent beaucoup. Donc, quand vous commandez le matériel, là, au niveau des taxes, c'est vraiment substantiel. Donc, c'est au niveau de sous-de forme que le gouvernement essaie d'appuyer les médias, tant publics que privés. Honorable Tassiesi Womana, des lacunes à combler au niveau des médias privés pour que justement la défense et la promotion des valeurs démocratiques soient une réalité au Burundi. Bon, je pense qu'ils en ont parlé pas mal, mais je voulais insister sur 3 aspects de lacunes. Et la première lacune, c'est la peur. Aujourd'hui ou bien dans le passé? Même aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. C'est totalisé. Oui, il y a des raisons. Ce n'est pas nécessairement... de votre responsabilité, il y a des raisons, mais chaque profession a ses risques. Si vous êtes magistrat, si vous êtes journaliste, si vous êtes militaire ou policier, assurez-vous que votre carrière comporte des risques. Donc, en entrant dans votre carrière, il faut être moralement prêt pour le combat. Donc, la peur peut constituer un grand handicap au bon fonctionnement d'un journaliste. Les raisons peuvent être exogènes. Mmh. C'est le cas présentement. Parce qu'il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont emprisonnés. Donc, on en connaît des cas. Mais il faut essayer de vous sensibiliser mutuellement pour vous en convaincre que finalement, votre profession comporte des risques. Je vous donne un exemple. Le DG disait qu'il faut tendre le micro à la population. Ça serait l'idéal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire circuler le micro sur les collines sans que l'administrateur et le chef de colline sachent quelque chose. Oui, oui. Dans cette réunion dont je vous ai parlé, les gouverneurs sont là, l'administration était là, et les responsables des médias. Et comment justifier ces journalistes qui sont chaque fois interpellés pour dire comment êtes-vous arrivé ici? Mais s'ils sont interpellés, ils sont libérés par les... Okay. Ce n'est pas toujours le cas parce que la semaine dernière, il y a certains de nos journalistes qui ont fait une descente dans la province de Makamba, mais eh bien, l'administration a fait des exigences, c'est qu'il ne faut pas parler avec la population sans d'abord avoir l'autorisation des autorités locales. Donc, pourvu que le DG vous inscriviez dans la logique du changement, de changer les sols, okay. Oui, oui. Sinon les réalités sont têtues. Donc, je vous donne un autre exemple. Je n'ai pas dit quelque chose sur le titre qu'il me colle. Il sait bien que je suis le porte-parole du PRONA non gouvernemental. Il connaît la crise interne qui existe au sein du parti. Mais parce qu'ils ont reçu l'instruction de ne plus me faire parler en tant que porte-parole de l'UPRONA, je le sais, dans ce sens. C'est plutôt la loi. C'est plutôt la loi. À quelle loi? Est-ce que... Je ne suis pas citoyen burundais. L'UPRONA non gouvernemental est agréé quelque part? Non. Il venait de nous dire que vous pouvez tendre un micro à n'importe quel citoyen. Est-ce qu'un citoyen de la commune de Tchindajuru, si demain vous lui tendez un micro, il n'a pas le droit de s'appeler uproniste? Vous allez consulter quelle loi? Bref, ce n'était que des exemples. Alors, la deuxième lacune, c'est bien sûr la formation. Ça, je suis tout à fait d'accord. La formation sur plusieurs aspects. La formation, de manière générale, sur l'éthique et la déontologie du journalisme, et l'information sur tous les textes qui vous régissent. Mais j'insiste surtout sur la spécialisation dans les domaines où vous êtes appelé à traiter l'information. Donc, il faut leur faire des stages, leur faire l'occasion d'aller suivre comment on instruit un dossier, l'office au niveau des audiences publiques, pour qu'ils sachent au moins les termes à utiliser, les termes corrects. Donc, c'est pour cela que je disais, c'est bien sûr, toujours, c'est sous-tendu à la question des moyens. Ça, c'est évident. Mais sinon, c'est toujours une lacune qu'il faut tendre à combler. Donc sinon, le reste, je pense qu'ils l'ont dit. Les autres lacunes sont dites justement à la conjoncture, aux lois qui vous régissent. Ce n'est pas de votre faute. Est-ce que, M. Nicobam, vous avez apparemment quelque chose à ajouter sur les lacunes des médias privés? Bien sûr. Je me pose la question lorsqu'il s'agit de demander l'autorisation. Je crois qu'il faut toujours, il faut quand même éviter le désordre. Lorsque vous fûtes membre de l'UPRONA datant, vous permettez à nous ou à qui que ce soit de devoir circuler un peu partout. Nous sommes en train de parler des lacunes des médias en ce qui concerne la promotion des valeurs démocratiques. Je crois qu'il faut d'abord attendre à ce que je termine. Parce que là, dans ce que je vais vous dire, vous allez trouver une réponse. Mm-hmm. C'est assez parlé qu'il faut éviter la peur. C'est-à-dire, il faut toujours aller sur les autorités. Mais non, pas de tout ça que je... Mais attends. La peur peut vous empêcher de... Attends, lorsque vous parlez que vos journalistes sont allés, je ne sais où, sans autorisation. Non, pas sans autorisation. Ils avaient l'autorisation. Ils ont appelé pour juste dire qu'ils vont faire une descente là-bas, mais ils ont reçu directement des injonctions alors qu'ils s'annonçaient déjà. De toute façon, il y a mille... Et bon, il y a le directeur général qui est là. Cette question a été levée. On s'est dit que quand vous partez de la rédaction de Centrale et que vous vous rendez dans une province où vous avez un correspondant, bien sûr, le correspondant vous annonce. Si vous n'avez pas de correspondant, vous vous annoncez. Le gouverneur, il est l'autorité locale. Et ce n'est pas seulement pour vous cacher l'information, mais d'abord, c'est pour votre protection. C'est pour question aussi de courtoisie. C'est pour question d'éducation que nous connaissons. C'est pour question des valeurs. Nous sommes en train de défendre nos valeurs. Là, on l'a discuté avec le responsable. C'était Monsieur question DG, là, je pense qu'il y a... Mais quand vous êtes... C'est très discutable. Hein? C'est discutable. Très discutable. Mais quand vous... Parce que quand on dit, n'est-ce pas, gens dans votre maison, mais la maison, elle est à nous tous. Oui, et le Burundais, il a le droit de circuler un peu partout. Est-ce que je ne connais pas... Non, écoutez, lorsque le journaliste, il doit s'annoncer. Vous ne savez pas les travées qu'il y a y a maintenant, non. après. Parce non. qu'on vous surveille, parce que, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont là. Non. Quand vous interviewez les gens, non, c'est ça que je non, remarque. C'est pas que ça, non. Et là, ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Non, il y a une chose. Il faut le dire, vraiment, ça. Non. Vous êtes que c'est la même maison. Est-ce que le journaliste burundais n'est pas accrédité sur tout le territoire national? Il est accrédité à tout. Mais à supposer aussi, ce n'est pas seulement les journalistes, mais aussi les gens de l'administration, s'ils se rendent dans une province, ils s'annoncent à la province. C'est une question de courtoisie, mais aussi c'est pour aussi votre mission. Parce que votre mission, vous pouvez trouver une réponse chez le gouverneur, comment ça peut trouver une réponse chez la N'est-ce pas une locale. Façon de restreindre les libertés des journalistes la parole est dans, à, dans l'action. La parole est à vous. Moi, je crois que mettons-nous d'accord. Vous êtes journaliste, vous êtes Burundais, État Burundais, vous avez le droit de circuler un peu partout. Je suis Burundais, je vais où je peux aller où, n'importe où. Mais je suis journaliste, il est des lois qui régissent le journalisme. À ce moment-là, pourquoi avoir peur de devoir faire face à ces autorités et puis peut-être après dire au directeur général, moi je suis allé, j'avais le droit, je suivais la loi, on ne m'a pas accepté de devoir parler avec la population. Mmh. Et puis après, ce que je disais tout à l'heure, que Darota, vous avez fait votre travail comme il faut lorsque nous étions dans la forêt. On a arrêté votre radio, mais après quand même, Dieu et les juges et les Burundais et je ne sais qui ont fait que ce que nous parlions lorsque nous étions dans la forêt a gain de cause. Donc, merci. Vous aussi, vous devez faire la même chose. Il ne faut pas vous battre, mais prouve que vous avez suivi la loi, vous êtes allé, l'autorité n'a pas voulu que vous fassiez votre travail, vous revenez, et puis je crois que celui qui va faire le troisième voyage, le cinquième voyage, à partir de ce que le jour où vous êtes rendu, vous êtes heurté à une autorité quelconque qui n'a pas voulu que vous fassiez votre travail, mm-hmm. peut-être la loi verra jour et puis on va asseoir ensemble, on va discuter. C'est ça, c'est que je crois à la démocratie. Mm-hmm. Les lacunes, les médias privés ont connu des lacunes sont toujours là. Est-ce que M. Nestor Nkurunziza, avec cet environnement politique, social et économique, est-il possible pour les médias, Isanganiro y compris, de faire mieux en ce qui concerne justement la défense et la promotion des valeurs démocratiques? Je pense que vous y êtes. C'est clair que c'est un combat de tous les jours. Pardonnez-moi de revenir sur un fait. Il ne faudrait pas comme qu'on revienne en arrière en termes de démocratie, au niveau des médias tout au moins. Je pense que j'étais là, journaliste, depuis 1993. Je n'ai jamais, il n'y a une seule fois, on m'a demandé d'aller donc m'entrer au niveau donc au niveau de l'administration. Mais depuis 1993, personne ne m'a demandé d'aller m'annoncer chez qui que ce soit. Personne. Mais bien sûr, on allait voir les autorités après parce qu'on avait besoin aussi de savoir ce qui se passe, leur réponse par rapport à ça. Mais sinon, la seule fois, et c'est là où vous allez voir à quel point c'est vraiment en travers, la seule fois où on m'a demandé d'aller m'annoncer chez le gouverneur, c'était, je crois, en 2000, parce qu'il y avait à cette époque-là une grosse sécheresse et que les gens étaient en train de mourir et on ne voulait pas qu'on sache. J'étais au studio de Jambour, je suis parti avec un ami et on arrive, on ne voulait pas qu'on aille voir les gens pour qu'ils nous disent qu'ils avaient vraiment faim, qu'il y avait déjà des morts et d'autres qui étaient partis en Tanzanie. Vous voyez donc à quel point, lorsqu'on dit aux gens, non, allez vous annoncer. Et après, on a essayé de nous écarter. Vous n'étiez pas encore là, monsieur Metouchela, mais c'est ce genre de choses, c'est vraiment pas très bon. Il faut laisser les journaux aller. Vous les jugerez sur base de ce qu'ils vont produire comme émission. S'ils ont amené des choses pas du tout catholiques, vous le saurez, n'est-ce pas, à entendre. Je pense que ça aussi, donc, la démocratie qui s'adresse envers les journalistes. Lorsqu'on protège les journalistes, lorsqu'on leur donne la liberté et qu'eux sont responsables, je pense que c'est bon pour tout le monde. Mm-hmm. Maintenant, donc, okay. Pour revenir donc à cette réponse, les journalistes, je pense que le journalisme peut aujourd'hui jouer un grand rôle en termes de démocratie. Mais la première chose, effectivement, comme il a dit, il faut donc sortir de cette autocensure, parce qu'il y a aussi de l'autocensure, malheureusement. Mm-hmm. Deuxième chose, il faut voir aussi les enjeux. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont importants, qu'on ne sent pas encore. Notamment, par exemple, qui nous parle aujourd'hui de ce qui se passe au niveau de l'East African Community? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les défis? On n'en parle pas. Et pourtant, il s'agit de l'intégration du Burundi dans un bloc économique et politique bientôt peut-être, n'est-ce pas? Très important. Il y a aussi même le droit, en termes de droit, nous avons une assemblée, un parlement, qui ne travaille pas aujourd'hui, les Yala, par exemple. Donc, je crois qu'il y a moyen vraiment de protéger des principes aussi simples que la participation de la population, la représentation aussi, des principes comme la transparence, n'est-ce pas? Assurer que lorsque les gens font, par exemple, des marchés, que ce soit des marchés vraiment publics, hein, que tout le monde sache qu'il y a un appel d'offres et que donc il peut concourir. C'est aussi une façon d'aider le pays à aller vers plus de démocratie. Lorsqu'on peut aller demander, par exemple, je pose toujours la question, j'ai vu par exemple qu'il y a eu un impôt foncier, et je me suis posé une question, mais on n'a jamais su ce qui a été récolté en termes de fonds. Nous dire, n'est-ce pas, demander, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on a récolté en termes de fonds par rapport à cet impôt foncier, ça nous permet de savoir de manière transparente ce que nous avons donné, et ça nous pousse nous-mêmes, n'est-ce pas, à être beaucoup plus civiques en termes de paiement des impôts. Mmh. Voilà donc des choses aussi simples que l'on pourrait faire. Monsieur le directeur général de la communication au sein du ministère de l'Information, est-ce qu'aujourd'hui, les médias peuvent faire mieux? Oui, absolument. Oui, les radios peuvent faire mieux. Comment? Il faut sortir de cet esprit d'être une radio, d'être consommateur seulement, mais aussi produire. Si vous êtes vraiment impliqué, si vous vous impliquez vraiment dans un programme de développement et que vous diffusez et que vous partagez les idées avec les organismes de production, vous saurez qu'à un moment, au lieu d'aller les chercher, c'est eux qui viendront vous chercher. Et vous verrez au niveau des rentrées et vous trouverez que dans ces jours-ci, c'est différent par rapport aux années passées. C'est juste pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Mmh. On a parlé de la question de peur des journalistes. Est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas de responsabilité pour que justement les journalistes puissent faire produire un travail de qualité? Non, il faut distinguer les choses. Il y a Tassier qui disait que chaque métier a ses risques. Chaque métier a ses risques. Avoir peur en tant que journaliste, c'est normal. Avoir peur en tant que magicien, en tant que commerçant, c'est tout à fait normal. C'est l'être humain. L'être humain doit avoir peur. Mais alors, pourquoi contourner cette peur? Est-ce que cette peur, ce n'est pas un signe qu'il y a, ça ne va pas? J'y vais. Je n'ai jamais rencontré un journaliste qui m'a dit qu'il a peur. Mais s'il y a la peur interne, comme le disait, s'il y a un climat... Mais aujourd'hui, on n'observe pas un climat de peur. Donc, les temps évoluent. On observe un climat de peur où un journaliste a peur de dire qu'il est journaliste. Je n'ai jamais rencontré un journaliste qui si on le disait, « Ah, salut, monsieur journaliste », et il dit, « Non, je ne suis pas journaliste. » Là, ça montre que vous avez peur de votre métier. Donc, avoir peur, c'est tout à fait normal pour l'être humain, mais je peux peut-être dire que le gouvernement n'est pas responsable de cette peur du point que je vois. Parce que s'il y a un journaliste qui est arrêté ici et là, tout le monde voit qu'il y a un journaliste qui est arrêté. Mais s'il y a une personne qui est arrêtée, c'est la même chose. Mais est-ce que ce journaliste, est-ce qu'il est libéré? C'est ça la question qu'on peut se poser. Quand il y a un caméraman qui a été assassiné, toute sa famille en 2015, quand il y a un journaliste qui est porté disparu depuis 2016 et que la justice ne dit rien à propos de ces crimes, est-ce que les journalistes ne peuvent pas vraiment avoir peur? Au niveau des gens, au niveau de la disparition des gens, c'est dommage. C'est pas bon, c'est regrettable. Mais qu'il y a une personne qui est assassinée par sa profession ou qui est assassinée par ses origines, là c'est dommage, c'est pas bon. Mmh. Ça pourrait faire peut-être inspirer les gens à avoir peur de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils font. Mais tout cela, Nicolas Barmier, au niveau du parti FNL, qu'est-ce qui peut être fait pour que les journalistes et les médias puissent faire mieux en ce qui concerne la promotion des valeurs démocratiques, mais aussi d'autres valeurs de la société? Moi, je voulais vous poser la question. Pourquoi vos journalistes avaient peur? Est-ce que le gouvernement aussi n'a pas peur de vous? Un homme averti en vos deux. C'est lui qui a vu certains journalistes de la 2015, ce qu'ils ont fait. Et si la loi a été érigée à partir de ce fait, je crois que tout au départ, il faut quand même essayer d'imiter la loi. Est-ce que vous voulez dire que le gouvernement en place a peur des journalistes? Bon, écoute, je vous ai dit que un homme averti en vaut deux. Vous êtes journaliste, vous faites votre travail d'une façon royale. Mais il est d'autres journalistes qui qui ne font pas le travail comme il faut. Et donc, si la loi est là, partout, et travailler selon la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les journalistes puissent faire des productions de qualité aux journalistes et même de faire une production de qualité. Aux journalistes, d'asseoir ensemble avec les autorités, comme il l'a dit le directeur général, devoir travailler selon la loi. Parce que si pas de loi, pas de travail, pas un travail de meilleure qualité. Mm-hmm. La loi. Honorable Tatien Sibomana, qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution pour que justement les journalistes puissent combler les lacunes qu'on a évoquées, pour que justement le travail des journalistes et des médias soit vraiment de qualité? Comme nous l'avons toujours dit, le fait de travailler et de ne pas être totalement satisfait de la façon dont vous travaillez, ça dépend de deux causes. Des causes endogènes qui peuvent d'ailleurs être les moins graves et les causes exogènes. Alors, il y a des causes exogènes, notamment les lois, notamment le rôle des pouvoirs publics, et cela ne dépend pas de vous. Un clin d'œil peut être fait dans ce sens à qui veut l'entendre, que comme le droit à l'information fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine, aux uns et aux autres de faire de leur mieux pour garantir ce droit aux citoyens burundais. Mmh. Et en garantissant ce droit, ils auront garanti la liberté de travailler des promoteurs de ce droit, que sont vous les journalistes. Deuxième chose, c'est de permettre justement la libre circulation des journalistes, le libre accès à l'information. Parce que contrairement à ce que dit monsieur le directeur général, il y a des restrictions qui sont dues justement à ce genre d'autorisation, à ce genre de quoi. Parce que maintenant, on vous dit, vous me dites le genre d'information que vous recherchez, vous me dites l'endroit, vous me dites la personne que vous allez rencontrer, avec le risque que vous la rencontrez tout en étant entouré par un groupe d'autres. Ce sont ces conditions qui ne permettent pas la liberté dans l'exercice de la profession des journalistes. Les journalistes qui interviewent les gens sous surveillance. Sous surveillance. Alors, comment surmonter ces problèmes? Je disais, il y revient aux autorités d'intégrer le fait que le droit à l'information fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine et de mettre en place les mesures qui permettent justement l'accès à l'information. Heureusement, alors, ça ne se passe pas partout. C'est dans certains coins peut-être. C'est ça. Heureusement. Donc, globalement, comme le disait le directeur général, oui, c'est des cas particuliers vraiment. Il y a beaucoup d'endroits, je pense que Jeff, il a été à l'intérieur, où il a fait son travail correctement, il n'a pas eu de problème. C'est ça justement. Dans certains coins. Ces exceptions, justement, peuvent susciter la peur de ces journalistes. Si ça arrive à Kayabubaza ou à Kayaza, celui de Gitega peut se tout censurer, comme vous l'avez dit, en voyant déjà ce qui est arrivé à Ouaza, que ça peut arriver chez lui. Des pistes de solution. Donc, les pistes de solution, c'est ce que je disais. Ça veut dire qu'il faut permettre que les lois soient vraiment des lois favorables à l'exercice de la profession de journaliste. Deux, il faut permettre aussi que les médias puissent avoir accès aux ressources. Le gouvernement peut voir comment créer un fonds d'aide, de promouvoir la presse privée, mais aussi faciliter le plaidoyer pour des financements extérieurs, parce que ce n'est pas toujours dit. Vous savez que maintenant, toute ONG est sujette à des restrictions au niveau de ses comptes en devises ou ceci. Donc, tout cela ne fait pas que même les financements soient aisés à arriver justement aux destinataires que sont les médias. Merci. Enfin, je pense que au niveau interne, donc au niveau endogène, il faut, comme je l'ai toujours dit, il faut vaincre la peur. L'autocensure peut vous empêcher de travailler, même si l'autorité n'y est pour rien. Il suffit que vous vous mettiez en tête que ce sujet est tellement délicat, vous n'y arriverez jamais à le traiter, sans qu'il y ait une quelconque main de l'autorité. Il suffit de vous le mettre en tête. Je vous donne un exemple. La question du commerce des mines, par exemple. Il y a des lois locales, il y a des lois nationales, il y a des lois internationales qui les régissent. Pourquoi ne pas convoquer, à inviter un expert, qu'il soit même burundais ou international, pour parler de tous ces textes, pour éclairer l'opinion. Merci. Mais je sais que c'est un secteur sensible. Il y a l'autocensure des journalistes sur ça. Bref, il y a tout ça, il y a l'environnement, il y en a qui dépendent des journalistes eux-mêmes, mais il y a vraiment beaucoup de causes qui sont exogènes à ces médias. Nestor Nkurunziza, apparemment, vous avez quelque chose à ajouter. Non, c'est juste qu'il faut vraiment, en guise pour terminer, c'est clair que la première chose dont il faut se souvenir, c'est que le journaliste qui travaille professionnellement a moins de risques d'avoir des problèmes. C'est sur cette contribution de Nestor Nkurunziza que nous mettons un terme à ce débat, à qui d'ailleurs nous disons merci. Merci, Jeff. Nous disons merci également à Metusela Nikobamye. Il est porte-parole du parti FNL. Merci d'être venu. Et merci beaucoup. Je suis content qu'à la fin, M. Nestor vient de dire qu'un journaliste qui fait son travail comme il faut n'a jamais eu de problème. Faites votre travail comme il faut, vous n'aurez pas de problème. Je vous remercie. Quand ils vous ont tendu le micro et que la radio a été suspendue, donc ils avaient fait mal. Le débat est terminé. Je me suis expliqué. Le débat est terminé. Merci aussi à l'honorable Tatien Siwamana. Je vous remercie et je remercie à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aussi à Jérôme Ndikurio, qui est directeur général de la communication au ministère de l'Information. Merci. Tâchez toujours sur la responsabilité sociale des médias. Je vous remercie. Nous disons également merci à Aimé Toussaint Mitebouti pour la mise en onde. Merci également à Jérôme Nyonzima pour la réalisation et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Au micro, vous étiez avec Joseph Tabiabandi. Très bonne suite des programmes à la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.